au sommet des collines dominant la vallée. S'enrouler des piscines autour des grands palmiers. Des filles au sein de glace qu'on aime copain copine, parfumant des palaces immenses comme est la Chine. Des voitures qu'on ne vole pas, qu'on ne ferme jamais à clé. Et du soleil sur soi, hiver comme en été. Des radios subsoniques aux jockeys insensés, nous soufflant l'Amérique aux Fender et synthés. Sans jour, sans pluie, sans rien à raconter.